7, c'est nous que okay. nous laisse tu on l'a déjà bloqué. On vient de faire un blocus, mais rabat c'est let's y'a la focus. Focus, de la queue trop près des boules, des okay. boules, et les gutters près du bloc. Okay. J'en plus d'état, j'fais plus de blocs. Toujours en lock, souvent une nouvelle plaque. Okay. Tu me rappelles, j'étais petit inconnu sur terrain, les plus grands prenaient pour un imbécile. Aujourd'hui, disque d'or, single d'or, single d'or, et la plupart d'entre eux demandent des vides. J'suis avec au baladé, ton pote t'a lâché, oh merde, dans la D. On est dans le gamme, on sort ce balade. Si y'a rage, t'inquiète, viens nous appeler. Que t'aimes juste la vie dans ma suite, j'repense à toutes ces années dans le mec, sa mère. Les perquises, les peurs de ma mère, les bonbonnes et les traces de dos sur le mur. Le trace de dos sur le mur, les boucaves, les teutrés, on en a marre. Y'a que à nos darons qu'on donne l'amour, et nous on se côtoyait avant que ça marche. J'suis avec un peu pas massé, chotasse, au faute la tes rien que les seuls la s'entache. Le faire que tout c'est de l'actu, et tout est compté, séparé par celui à 2000. Récupère des liasses de 1000, dans le gobelet rajoute du miel. Sur le terrain faut être agile, pas d'égalité, je fais pas la bonne. Je la baisse, je la baisse, je la baisse. Je fais comme au stage, je lui bouffe la schneck. Liquide virement quelques fois chaque 10 ans de salaire en un week-end. Je pense qu'au bénéf. J'encaisse. Mon champagne bulle, mon pilon bulle. Jamais en dessous du demi-plein. Et je rentre avec le plus gros bout. Je me rappelle, j'étais comme toi. Avant d'être là, j'étais en bas. Mais j'ai du beau, moi j'ai plus besqué. Mais loin du carpet depuis que je tripe. Puis j'ai shit qui tonne, un bug qui troupe. À 240, j'ai le cœur qui tremble. Dans la 45, avec je fais des trips. Dans la sacoche, j'ai la cape qui dit pas non. J'reprends ta cage, prends le trophée. Et des temples, crois-moi, j'en ai trop fait. Te faire la maille, Jota, ce n'est pas trop fi. Et si c'est à refaire, on le refait. T'as pas dosé, t'as t'idole refou. C'est le monde d'argent qui nous rend tous fous. T'es amoureux, c'est sûr que je m'en fous. Y'a les 22, c'est sûr que je m'en fous. Je suis écouté, maintenant je suis entendu. T'as fini la journée, fais le compte rendu. T'as pour cave ton pote, t'as fait le vendu. Au calme, tu vas juste finir pendu. À la mouillée, j'ai pas bandé. La chaîne parase, elle m'a fait débander. Faut les écraser comme des bandits. T'es mal, le succès commence à grandir. Je la baisse. J'fais comme au stage, j'lui bouffe la schneck. Liquide virement quelques fois chaque 10 ans de salaire en un week-end. Je pense qu'au bénéf. Je la baisse. J'fais comme au stage, j'lui bouffe la schneck. Liquide virement quelques fois chaque 10 ans de salaire en un.